finis pas toi le truc. Ouais. Non, c'est pas ça. Ah, j'arrive pas à le faire. Fa dièse. Ok. I must go. I'm sorry.